adieu à tous, amis terriens. Vous qui êtes faibles ou bien gredins, je vous regarde perché là-haut ou bien caché dans les roseaux. Lorsque bientôt vient l'aurore, qui ignore que coule le sang, il me reste quelques heures pour espérer maladroitement qu'il stoppera sa course folle, pour qu'avec elle je m'envole, qu'elle m'offrira des joies frivoles, pour qu'avec elle je m'isole. Mais elle ne m'entend pas, le jour l'après, elle fiche le camp, et je suis à deux doigts de me languir en espérant qu'elle stoppera sa course folle pour attendre mon envol, qu'elle empêchera que tout s'étiole quand rien n'est vrai et qu'on somnole. Qui me fait souhaiter sans peur qu'elle stoppera sa course folle, pour qu'avec elle je m'envole, qu'elle m'offrira des joies frivoles, pour qu'avec elle je m'isole, qu'elle stoppera sa course folle pour attendre mon envol, qu'elle empêchera que tout s'étiole.